Tant qu'à ramener la chronique de Simon Fitzbé de façon particulièrement extraordinaire, on va aussi ramener les paroles des autres. Les paroles des autres, la chronique dans laquelle on écoute la chanson thème d'une chronique ou d'une émission entourant l'univers Mathieu Plante. Et comme on a fait la chronique de Simon Fitzbé, carte postale musicale, voici son intro complet. Gershon Kingsley et Hey Hey! Gershon Kingsley et la pièce Hey Hey, chanson thème de la chronique carte postale musicale de Simon Fitzbé qu'on a ramené pour la première fois en plusieurs années tout à l'heure. Et c'est la même chose pour les paroles des autres, on n'a pas fait ça depuis l'année passée. C'est rare qu'on a du temps pour des chroniques accessoires à Assemblage Requis cette année. On a tellement de monde que les petites chroniques moins importantes de bouchage de trous, on n'a pas vraiment besoin, t'sais. Mais bon, on va essayer de le faire une fois de temps en temps, surtout qu'on a de nouvelles chroniques cette année, donc on pourrait ramener cette chronique-là un petit peu plus souvent. Les paroles des autres et les montages de Les paroles des autres sont sur assemblagerequis.com avec toutes les autres chroniques qui sont prémontées. Voilà. Même si techniquement pas prémontées, celle-là.